Mark Lemdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Les passages en latin sont supprimés sur cet enregistrement, la synthèse vocale n'étant pas apte à cette lecture. Livre 2. De la foi, comme préparation immédiate à l'union divine, application de la seconde partie de la nuit à la nuit spirituelle, dont il est parlé dans la deuxième strophe. Strophe 2. Pleine d'assurance dans les ténèbres, je sortis déguisé, par un escalier secret, ô l'heureuse fortune, dans l'obscurité et en cachette, alors que ma demeure était pacifiée. Chapitre 1er. Explication de cette strophe. L'âme chante, dans cette seconde strophe, l'heureuse fortune qu'elle a eue de dépouiller son esprit de toute imperfection et de tout désir de propriété ayant pour objet les choses spirituelles. Son bonheur est d'autant plus grand qu'elle a éprouvé plus de difficultés à établir la paix dans la partie supérieure et à pénétrer dans l'obscurité intérieure. Obscurité qui consiste dans le dénuement de l'esprit relativement à toute chose sensuelle et spirituelle. Dans cet état, l'âme appuyée uniquement sur la foi vive s'élève jusqu'à Dieu, en parlant de cette vertu théologale. Mon intention est de traiter spécialement de la nudité de la foi, ayant surtout en vue de m'adresser aux personnes qui tendent à la perfection. La foi est comparée ici à un escalier secret parce que les différents degrés, ou les articles de la foi, sont cachés au sens et à l'intelligence. Privée de la lumière naturelle et intellectuelle, l'âme sort ainsi de ses limites propres pour gravir cet escalier divin de la foi, qui s'élève et pénètre jusque dans les profondeurs de l'adorable Trinité. L'âme ajoute qu'elle est sortie déguisée, car, pendant cette ascension que la foi lui a fait faire, elle a déposé sa forme et sa manière d'être naturelle, pour se revêtir d'une forme toute divine. Grâce à ce déguisement, elle a pu se soustraire au regard du démon, aux séductions terrestres, et échapper aux conceptions erronées de la raison humaine, abandonnée à elle-même. Aucun de ces obstacles n'a été capable de lui nuire, tandis qu'elle marchait à la lueur du flambeau de la foi vive, cachée et dérobée à tous les regards, étrangère à tous les pièges du démon. Elle s'avance véritablement, comme elle le dit ici, dans l'obscurité et en cachette, c'est-à-dire, mystérieusement par rapport au démon, pour lequel les splendeurs de la foi sont plus obscures que les plus épaisses ténèbres. Voilà pourquoi l'âme enveloppée du voile de la foi vit en assurance, à l'abri des traits de son ennemi. Nous développerons cette doctrine plus clairement dans la suite. Le même motif lui fait dire qu'elle est sortie pleine d'assurance dans les ténèbres, car celui-là s'avance très sûrement dans les voies de Dieu, qui impose silence aux conceptions naturelles et aux raisonnements de l'esprit, et a le bonheur de marcher sous les ombres de la foi. L'ayant choisi pour son unique guide, l'âme a traversé cette nuit spirituelle alors que sa demeure était pacifiée, c'est-à-dire quand toutes ses facultés étaient en repos. En effet, parvenu à cet état si désirable de l'union divine, l'esprit jouit d'un grand calme par l'apaisement de ses puissances naturelles et de ses ardeurs sensibles. Pourquoi donc ne dit-on plus ici comme dans la première nuit des cents, que l'âme est sortie pleine d'anxiété? En voici la raison. Pour se dégager des sens et se délivrer de l'esclavage des passions, elle avait dû éprouver les désirs véhéments d'un amour sensible, mais, pour pacifier la partie spirituelle, il lui a suffi de concentrer et de fixer ses facultés dans la foi pure. Ce travail accompli, l'âme se livre au bien-aimé par une union pleine de simplicité, de pureté et d'amour. qui la rend en quelque sorte semblable à lui. Remarquons en outre que dans la première strophe, au sujet de la partie sensitive, l'âme dit qu'elle est sortie à la faveur d'une nuit obscure, ici, relativement à la partie spirituelle. Elle ajoute que sa sortie s'effectua dans les ténèbres, parce que dans cette seconde partie de la nuit les ténèbres sont plus épaisses, la complète obscurité est, en effet, plus sombre que la nuit proprement dite, puisque, si profonde que soit cette dernière, on y distingue encore quelque chose, tandis que dans l'obscurité on ne voit absolument rien. De même, l'âme jouit encore d'une certaine clarté dans la nuit des sens, où l'entendement et la raison ne sont point frappés de cécité. Au contraire, dans la nuit spirituelle de la foi, elle est privée de toute lumière intellectuelle ou sensible. Aussi est, sa bon droit qu'elle chante dans cette strophe sa marche progressive pleine d'assurance dans les ténèbres, assurance qu'il lui était impossible de goûter dans l'autre nuit. En effet, moins l'âme agit en vertu de son opération propre, plus elle se trouve en sûreté, puisqu'elle grandit davantage dans la foi. Je demande au pieux lecteur sa bienveillante attention, pour la doctrine si importante que je dois traiter dans ce livre, en vue du plus grand bien des âmes. Le sujet lui paraîtra peut-être un peu abstrait, mais les matières s'enchaînent de telle sorte que la connaissance des unes ouvre la voie aux autres. Ainsi, j'en ai la confiance, on aura du tout une parfaite intelligence. Chapitre 2. Explication de la seconde partie de la nuit, ou de la cause qui la produit. Cette cause est la foi. Deux raisons nous prouvent que cette seconde partie de la nuit est plus obscure que la première et la troisième. La foi, nous l'avons dit, est un moyen merveilleux pour nous conduire au terme, c'est-à-dire à Dieu, mais Dieu est en lui-même la troisième cause, ou troisième partie de la nuit. La foi, qui tient le milieu entre le point de départ et le terme, est justement figurée par la pleine nuit. Elle plonge l'âme dans de plus profondes ténèbres que la première partie de la nuit, et même sous un certain rapport que la troisième. En effet, n'avons-nous pas comparé la première partie, ou la nuit des sens, au crépuscule, c'est-à-dire à cette heure où les objets commencent à se dérober au regard? Et ce moment n'est-il pas moins éloigné de la clarté du jour que le milieu de la nuit? Enfin, la seconde partie est aussi plus obscure que la troisième, où l'aurore antélucème, c'est à dire l'instant le plus proche du jour, comme l'aube précède immédiatement l'éclat du jour et lui sert de précurseur, c'est avec raison qu'on la compare à ce jour divin qui va se lever sur l'âme, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Il est hors de doute que, naturellement parlant, Dieu est à l'âme une nuit aussi obscure que la foi. Cependant, lorsque ces trois différentes phases de ténèbres sont écoulées, alors Dieu commence à projeter surnaturellement sur l'âme un rayon de son éternelle lumière, qui l'éclaire d'une manière expérimentale et toute divine. C'est le principe de l'union parfaite dont la consommation s'accomplira après la troisième nuit. La première nuit, celle des sens, a rapport à la partie inférieure de l'homme, elle est en quelque sorte extérieure. La seconde nuit, celle de la foi, s'appliquant à la partie supérieure ou raisonnable de l'homme, doit, par une suite nécessaire, être plus obscure et plus intérieure, puisqu'elle dépouille l'âme de sa lumière propre. Il est donc fort à propos de la comparer au milieu de la nuit, qui en est la partie la plus ténébreuse. Il nous reste à prouver comment cette seconde partie de la nuit, celle de la foi, est véritablement une nuit pour l'entendement, comme la première en est une pour les sens. Nous parlerons ensuite des obstacles qui s'y rencontrent, et enfin du travail actif de l'âme pour y entrer. Quant à son état passif, c'est à dire à ce que Dieu opère en elle pour l'y introduire, nous l'expliquerons en temps opportun, et ce sera, je l'espère, dans le livre de la nuit obscure et, assurance qu'il lui était impossible de goûter dans l'autre nuit, en effet, moins la magie en vertu de son opération propre, plus elle se trouve en sûreté, puisqu'elle grandit davantage dans la foi, je demande au pieux lecteur sa bienveillante attention, pour la doctrine si importante que je dois traiter dans ce livre, en vue du plus grand bien des âmes, le sujet lui paraîtra peut-être un peu abstrait, mais les matières s'enchaînent de telle sorte que la connaissance des unes ouvre la voie aux autres, ainsi, j'en ai la confiance, on aura du tout une parfaite intelligence. Chapitre 3. Comment la foi est une nuit pour l'âme, preuve de raison et autorité de la Sainte Écriture. La foi, disent les théologiens, est une habitude surnaturelle de l'âme, tout ensemble certaine et obscure. La raison de son obscurité, c'est qu'elle nous incline à croire des vérités révélées par Dieu lui-même. Vérité qui dépasse la lumière naturelle et excède la portée de tout entendement humain, la splendeur du soleil éclipse la lumière même, il en est ainsi de la foi, dont on peut dire en ce sens qu'elle est obscure, parce que son éclatante lumière ne laisse plus subsister dans l'âme aucune autre lumière, l'éclat du soleil non seulement nous éblouit, mais souvent même nous aveugle. En raison de sa disproportion avec notre puissance visuelle, ainsi en est-il de la lumière de la foi qui, par son intensité et par le mode dont Dieu se sert pour nous la communiquer, surpasse infiniment celle de notre entendement, celui-ci, en effet, ayant une aptitude qui le rend capable d'un acte surnaturel, quand il plaît à notre Seigneur de l'élever jusque-là, de lui. Même ne peut rien connaître que par la voie naturelle des sens, il a besoin d'images pour avoir la connaissance des objets soit en eux-mêmes, soit en leur représentation, de l'objet présent et de la puissance naît en l'âme la connaissance, disent les philosophes. Si quelqu'un entendait parler de choses dont il n'aurait jamais eu connaissance, même par une image ou une similitude, évidemment, il ne saurait en avoir aucune notion précise. Par exemple, dites à une personne que dans une île lointaine se trouve un animal qu'elle n'a jamais vu, si vous ne lui dépeigniez pas certains traits de ressemblance que cet animal pourrait avoir avec d'autres, elle n'en concevra aucune idée. Malgré toutes vos descriptions, voici un autre exemple encore plus facile à saisir, à mon avis. Essayez de faire à un aveugle né la définition de la couleur blanche ou jaune, après tout ce que vous pourrez lui en dire. Il n'en saura ni plus ni moins, n'ayant jamais vu ces couleurs, ni rien qui le mette à même de former un jugement sur ce point, il pourra seulement entendre leur nom par l'ouïe et le retenir dans sa mémoire. Mais quant à leur forme et à leur figure, il lui sera impossible de les concevoir, à cause de sa cécité, c'est ainsi, dans une certaine proportion, que la foi est à l'égard de l'âme, elle nous propose des vérités que nous n'avons jamais entendues, jamais vues, ni en elle-même, ni dans les objets qui nous en retracent l'image, et dont nous n'aurions pu avoir connaissance sans le secours de la révélation. La science naturelle ne nous fournit ici aucune lumière, puisque les vérités de la foi sont indépendantes des sens, nous les apprenons par l'ouïe en soumettant aveuglément notre raison. La foi vient de ce que nous entendons, et nous entendons par la parole de Jésus-Christ. Romains 10, 17, nous dit l'apôtre des gentils. La foi est donc une science impossible à acquérir par les sens, elle naît de l'acquiescement de l'âme à ce que Dieu lui a révélé. Sans nul doute la foi surpasse de beaucoup les comparaisons précédentes, car non seulement cette vertu ne produit pas une connaissance évidente, mais elle excède tellement toutes les notions et toutes les sciences que la contemplation la plus parfaite peut à peine pénétrer dans ses profondeurs. Nous parvenons aux autres sciences par la lumière de l'entendement. Celle de la foi s'obtient plutôt en y renonçant par des motifs surnaturels, que la lumière de notre raison nous fait perdre, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas, citation 7, 9, nous dit Isaïe. C'est donc précisément parce que la foi produit une nuit obscure dans l'âme, qu'elle éclaire, plus elle la plonge dans les ténèbres, plus elle lui communique de lumière, ses splendeurs sont en raison directe de l'aveuglement qu'elle produit. Car pour reprendre la pensée du prophète, si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous ne vous aveuglez pas, vous ne comprenez pas, ou, en d'autres termes, vous n'obtiendrez pas la lumière, ni la connaissance élevée surnaturelle de la vérité, la nuée qui séparait les enfants d'Israël des Égyptiens, au passage de la mer Rouge, est une belle figure de la foi, la Sainte Écriture nous dit. La nuée était ténébreuse et elle éclairait la nuit, Exode 14, 20. Chose merveilleuse, elle était ténébreuse et elle éclairait la nuit. Il en est vraiment ainsi de la foi, c'est une nuée obscure qui éclaire et illumine les ténèbres de l'âme, celle-ci est elle-même une nuit, puisqu'en présence de la foi elle demeure aveuglée et privée de sa lumière naturelle, l'homme, vivant dans les ténèbres, ne peut être illuminé d'une manière convenable que par d'autres ténèbres, selon l'enseignement du psalmiste, le jour annonce au jour cette vérité, et la nuit en donne connaissance à la nuit, psaume 28, 3. Le jour, c'est Dieu dans la béatitude, où il est un jour radieux pour les anges et pour les âmes bienheureuses, devenues elles-mêmes comme des jours, dans le reflet de son ineffable lumière, au sein de la gloire, il leur manifeste à découvert le Verbe, son Fils bien-aimé, principe de toute connaissance et de toute joie, la nuit, dans l'Église militante encore enveloppée de ténèbres, c'est la foi qui enseigne la véritable science à toute âme, qui est elle, même une nuit mystérieuse, privée d'un côté de sa lumière naturelle en face de la foi, et de l'autre ne jouissant pas de la vision béatifique de l'éternelle sagesse. Concluons par cette vérité que l'âme doit s'enfermer dans les ténèbres pour obtenir la lumière, et s'avancer sans relâche dans la voie de la perfection. Ainsi se vérifie cette parole de David dans un psaume. La nuit sera mon illumination dans mes délices, psaume 138, 11, c'est-à-dire la nuit de la foi sera mon guide, dans les délices de ma pure contemplation et de mon union avec Dieu. Chapitre 4. Attitude que l'âme doit conserver au milieu des ténèbres, pour être sûrement guidée par la foi, jusqu'à une éminente contemplation, cette matière est traitée d'une manière générale dans ce chapitre. J'espère avoir fait comprendre, du moins en partie, que la foi est une nuit obscure pour l'âme, et qu'il y a absolue nécessité pour cette dernière de rester dans l'obscurité, privée de sa lumière naturelle, afin d'être conduite par la foi jusqu'au sommet sublime de l'union. Néanmoins, pour atteindre cet heureux terme, il est à propos de particulariser la nature de cette obscurité qui doit la plonger dans les profondeurs de la foi, j'en parlerai donc dans ce chapitre d'une manière générale, et plus tard, avec le secours d'en haut, j'indiquerai en détail le moyen de se maintenir dans cette voie, sans crainte de s'égarer et d'entraver l'action d'un guide si sûr. Pour marcher avec sécurité à la lueur du flambeau de la foi, l'âme doit fermer absolument les yeux dans la partie sensitive et inférieure qui l'incline vers les créatures, aussi bien que dans la partie raisonnable et supérieure, dont nous traitons actuellement, et qui a pour objet Dieu et toutes les choses spirituelles, avant d'être transformée surnaturellement. Il est certain que l'âme a besoin de s'anéantir dans les ténèbres, et de sortir des bornes de sa vie naturelle. Sensitive et raisonnable, surnaturel ne signifie-t-il pas précisément une chose élevée au-dessus du naturel, comme la transformation et l'union divine ne peuvent s'abaisser jusqu'au sang, L'âme ne les obtiendra donc qu'à la seule condition d'un dénuement volontaire et total, du moins quant à l'affection et à la volonté, alors, je vous le demande, qui pourra entraver l'action de Dieu dans une âme ainsi dépouillée, abandonnée et anéantie, même en jouissant des dons surnaturels? Il faut s'en tenir vide, dégagé, et prendre uniquement la foi pour lumière, pour guider, pour appui, son action étant bien supérieure aux opérations des sens. Il ne faut s'attacher à rien de ce que l'on peut entendre, goûter, sentir ou imaginer, tout cela n'étant que des ténèbres propres à nous égarer ou à retarder notre marche. Jamais l'âme ne parviendra à la science si sublime que nous enseigne la foi, à moins de se rendre comme tout à fait aveugle et de persévérer courageusement dans cette voie ténébreuse. Celui qui n'est pas entièrement aveugle s'abandonne à regret à la conduite de son guide, et dans son incapacité de juger les choses. Tout chemin lui paraît bon, agissant comme s'il y voyait clair. Il court risque de s'égarer lui-même et d'égarer le guide sur lequel il a autorité. De même, l'âme qui se fonde sur sa science, ses goûts ou ses sentiments, s'arrête dans le sentier de la montagne, ou s'en détourne, car tous ces moyens, infiniment éloignés de l'être de Dieu, n'ont aucune force pour l'entraîner dans la voie de la perfection. Elle s'égare faute d'un abandon total à la foi, son divin conducteur. Telle est la pensée de saint Paul. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu, Hébreux 11, 6. En d'autres termes, celui qui aspire à s'unir à Dieu ne doit pas tenir compte de ses connaissances, de ses sentiments, ou de son imagination, mais il doit adhérer simplement par la foi à l'essence divine. Les conceptions les plus sublimes de l'intelligence humaine restant à une distance incommensurable des perfections de Dieu, et de ce que sa pure possession nous révélera un jour, l'œil n'a point vu, dit l'Isaïe, or vous seul, ô accent circonflexe mon Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment, citation 64, 4, et saint Paul ajoute, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime, citation 1 Corinthiens 2, 9. Donc, si l'âme prétend s'unir parfaitement ici-bas, par la grâce, à celui à qui elle doit être unie par la gloire, dans cette autre vie, dont le grand apôtre nous dit que l'œil de l'homme n'a rien vu, son oreille rien entendu, ni son cœur rien compris, si donc, dis-je, l'âme veut arriver à cette union, par la grâce et par l'amour parfait, il est clair qu'elle doit se tenir dans l'obscurité relativement aux objets que les yeux perçoivent, que l'oreille entend, que l'imagination invente et dont le cœur s'éprend. Hélas, au lieu d'aspirer à cette union élevée, combien l'âme s'en détourne, quand elle s'attache à quelque connaissance, à un sentiment, à une imagination, à un jugement, ou enfin à un acte de sa volonté propre. Au lieu de tendre uniquement vers le dépouillement absolu d'elle-même, nous l'avons vu, le but auquel l'âme aspire surpasse tout ce qu'elle peut connaître et goûter de plus élevé. Aussi, pour y atteindre plus sûrement, doit-elle s'appliquer à ne rien savoir. Si l'on veut progresser dans ce chemin, il faut quitter sa voie, autrement dit aller droit au terme et laisser de côté le moyen pour entrer en Dieu qui n'a ni borne, ni mesure. Parvenu à ce degré, l'âme n'a plus ni mode particulier, ni manière d'agir propre, je veux dire qu'elle ne s'attache plus à sa manière d'entendre, de goûter, de sentir, et ne peut même pas s'y attacher, comme celui qui n'ayant rien, possède tout excellemment, ayant eu le courage de franchir, soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur, les bornes étroites de sa nature, elle entre à pleine voile dans le surnaturel, dont les limites et les formes sont infinies, et renferme surabondamment toute espèce de mode. Sachez-le. Pour arriver à cet état si désirable, il faut sortir complètement de soi, c'est-à-dire abandonner le rien, pour posséder le tout sublime, qui est Dieu, l'âme, se soustrayant ainsi à toute influence spirituelle et temporelle, doit désirer d'un immense désir ce bien qu'elle est impuissante à connaître en cette vie, ou à concevoir dans son cœur, qu'elle laisse donc en arrière, tous les goûts sensibles, dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre matériel, pour aspirer avec ardeur vers le souverain bien au-dessus de tout sentiment, c'est précisément afin de recevoir plus librement cette divine plénitude, que le cœur doit rejeter toutes les satisfactions de la partie inférieure ou supérieure. Satisfaction plus méprisable à ces jeux que le néant môme, nous aurons plus loin l'occasion de développer cette même matière, plus l'âme prête son attention à ce qu'elle peut entendre, goûter et imaginer, plus elle l'apprécie, et apporte conséquemment de retard à sa marche progressive vers le bien suprême, au contraire, moins elle se préoccupe de ce qu'elle peut posséder, plus elle se rapproche du souverain bien, l'estime et par conséquent y adhère, au milieu des ténèbres d'une foi obscure et tout à la fois lumineuse, l'âme s'avance ainsi à grands pas vers l'union, indubitablement, si elle se servait de ses propres lumières, elle serait plus vite éblouie en présence de Dieu, que ne l'est celui dont le regard cherche à contempler en face l'éclatante splendeur du soleil. Notre divin Sauveur ne nous dit-il pas dans son évangile, « Je suis venu en ce monde pour exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient demeurent aveugles » Johan 9, 39, parole qui s'applique à la lettre à ce chemin spirituel, où l'âme doit se faire aveugle, relativement aux lumières de la nature et du jugement propre. Pour être éclairée surnaturellement, celle qui voudra s'arrêter à ces lumières particulières, se jettera dans des ténèbres d'autant plus profondes, et se détournera de la voie droite de l'union. Pour éviter tout équivoque, il me semble utile de définir dans le chapitre suivant ce que nous appelons « union de l'âme avec Dieu ». Le point une fois bien éclairci donnera beaucoup de jour à ce que nous dirons ensuite. Bien que nous interrompions la suite de notre discours, le moment nous semble venu de traiter ce sujet, le chapitre suivant sera donc comme une parenthèse, et nous recommencerons ensuite à traiter en particulier du rôle des trois puissances de l'âme, par rapport aux trois vertus théologales, dans cette seconde nuit spirituelle. Chapitre 5. On explique au moyen d'une comparaison ce qu'est l'union de l'âme avec Dieu. La matière de ce chapitre sera d'autant plus intelligible au lecteur que nous avons déjà abordé cette question. Au reste, je n'ai pas l'intention d'expliquer actuellement en détail en quoi consiste l'union de l'entendement, celle de la volonté ou de la mémoire, ni d'établir une distinction entre l'union transitoire, l'union permanente des puissances ou enfin l'union consommée, lorsque le moment sera venu de traiter de ces différents degrés d'union. L'explication viendra plus naturellement se joindre aux faits exposés, je me bornerai simplement ici à parler de l'union totale et permanente, qui affecte la substance de l'âme et ses puissances. Dans la suite, s'il plaît à Dieu, nous parlerons de l'acte proprement dit, et nous expliquerons comment la vie humaine, si éphémère et si imparfaite, ne comporte pas l'union permanente dans les puissances, mais seulement une union transitoire. Il faut savoir tout d'abord que Dieu demeure et réside substantiellement dans chaque âme, fût-ce même dans celle du plus grand pécheur, cette sorte d'union ou de présence essentielle, que nous pouvons appeler de l'ordre naturel, existe toujours entre Dieu et les créatures, c'est par elle qu'il leur conserve l'être, et sans cette présence, elle serait annihilée et cesserait d'exister. Ici, par l'union de l'âme avec Dieu, il ne faut pas entendre cette union substantielle, par laquelle Dieu est toujours présent dans toutes les créatures, mais bien l'union et la transformation de l'âme en Dieu par l'amour. Cette dernière s'opère quand il y a ressemblance d'amour entre le Créateur et la créature, nous la nommerons, pour ce motif, union de ressemblance. Comme l'autre s'appelle union essentielle ou substantielle, celle-ci est naturelle, l'autre est surnaturelle, et elle se consomme quand les deux volontés, celle de l'âme et celle de Dieu, deviennent uniformes, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a dans l'une rien qui déplaise à l'autre, tout ce qui faisait opposition à la volonté divine ayant été expulsé de l'âme, elle demeure transformée en Dieu par l'amour. Or, il ne s'agit pas uniquement de ce qui répugne à Dieu clan les actes, mais aussi dans les impulsions de l'âme, il faut donc retrancher non seulement les actes d'imperfection volontaire, mais encore se défaire des tendances mauvaises, tous les actes et toutes les perfections des créatures ne pouvant s'élever jusqu'à Dieu, c'est en renonçant à toute affection pour le Créé, à toute attache à ses actions et à sa capacité naturelle, c'est-à-dire à sa manière d'entendre, de goûter et de sentir, en un mot, c'est en rejetant tout ce qui est opposé à Dieu, que l'âme devient apte à recevoir sa ressemblance, tout en elle étant devenue conforme à la volonté de Dieu. Il ne reste donc plus d'obstacle à sa complète transformation, à la vérité, Dieu, toujours présent dans l'âme, lui donne et lui conserve l'être naturel, néanmoins il ne lui communique pas toujours l'être surnaturel, qui n'est accordé qu'à l'amour et par une grâce toute particulière. Or toutes les âmes ne jouissent pas de la grâce divine, et celles même qui ont ce bonheur ne l'ont pas dans un degré égal. Le feu de l'amour embrase les unes plus que les autres, suivant cette mesure, Dieu se communique davantage à celle qui est plus avancée dans l'amour, et dont la volonté est plus conforme à la sienne. La conformité est-elle parfaite? L'union et la transformation surnaturelle sont consommées. D'après cette doctrine, il est certain que plus une âme se penche vers la créature, et se confie en ses capacités naturelles, moins elle a d'aptitude pour réaliser une telle union. Puisque son action propre entrave celle de Dieu, qu'elle se hâte donc de rejeter au loin les oppositions naturelles qui existent entre elle et Dieu, alors celui dont la charité communique la vie naturelle à l'âme par son essence, lui communiquera la vie surnaturelle par sa grâce. Saint Jean nous dit, il a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu à ceux qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1,13. C'est comme s'il disait, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et de se transformer en lui est donné seulement à ceux qui ne sont pas nés du sang, c'est-à-dire des dispositions naturelles, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire du caprice de la nature, ni même de la volonté de l'homme, et ici, par la volonté de l'homme on entend parler de toute manière humaine de juger et de comprendre selon la raison seule, à aucun de ceux, s'il n'est donné de devenir de vrais enfants de Dieu, ce bonheur est réservé à ceux qui sont nés de Dieu, en d'autres termes à ceux qui, morts volontairement au vieil homme, sont régénérés par la grâce, élevés jusqu'à la vie surnaturelle, et rendus participants de cette filiation divine, qui est le don suprême. Si un homme ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5, ajoute le disciple bien-aimé dans un autre passage, autrement dit, quiconque ne renaîtra pas du Saint-Esprit ne possédera jamais le royaume de Dieu, ou l'état de perfection. Or, renaître parfaitement du Saint-Esprit en cette vie, c'est se rendre semblable à Dieu par une pureté qui n'admet aucun mélange d'imperfection. Ainsi s'opère la pure transformation, non par l'union d'essence, mais par l'union de participation. Prenons une comparaison pour éclairer notre sujet. Si un rayon de soleil vient frapper une vitre pleine de défauts ou couverte de vapeurs, il ne pourra ni la faire briller ni la pénétrer de sa lumière, comme il le ferait si le verre était pur et exempt de toutes ses taches. Le rayon vent la pénétrera d'autant moins qu'elle sera plus imparfaite. La faute n'en est pas au rayon, mais bien à la vitre, car si elle était d'une entière limpidité, le rayon lui transmettrait sa lumière au point de la rendre elle-même semblable à un rayon, et capable de projeter la même clarté, et cependant la vitre, tout en se transformant ainsi, n'en conserve pas moins sa qualité distincte. Et nous pouvons l'appeler un rayon ou une lumière par participation. L'âme ressemble à ce cristal sur lequel rejaillit sans cesse la splendide lumière de l'essence divine, ainsi que nous l'avons expliqué, elle en a déjà reçu l'être naturel. Mais, afin de se disposer à recevoir par amour la communication de l'être surnaturel, il faut qu'elle enlève toutes les taches et tous les voiles formés par les créatures. C'est à dire qu'elle tienne sa volonté parfaitement unie à celle de Dieu, alors elle deviendra toute lumineuse et transformée en lui. En effet, l'amour implique le dépouillement complet et la séparation absolue de tout ce qui n'est pas Dieu. Lorsque l'âme est admise à la souveraine faveur de cette union, tout ce qui est à Dieu devient un avec ce qui est à l'âme, par l'effet d'une merveilleuse transformation. En réalité, elle est Dieu par participation, bien qu'elle conserve son être naturel aussi distinct qu'auparavant. Comme le cristal demeure distinct du rayon qui l'éclaire et la pénètre, la disposition requise pour une telle union n'est donc pas de comprendre, de goûter, de sentir, ou de se former à l'aide des puissances naturelles une idée exacte de Dieu. Mais l'unique voie pour y arriver, c'est la pureté et l'amour, c'est à dire l'entière soumission de la volonté et le dépouillement total en vue de Dieu seul. Il ne peut y avoir une entière transformation s'il n'y a une pureté parfaite. La lumière intérieure sera proportionnée à la pureté de l'âme, mais, je le répète, l'union ne deviendra pas totale si l'âme n'est pas entièrement purifiée et dépouillée. Une comparaison fera bien comprendre ce que je dis. Figurez-vous un tableau excellent, achevé, merveilleux, rehaussé des mots d'un travail exquis, dont quelques-uns sont d'une perfection telle qu'on ne peut parvenir à en distinguer toute la finesse. Supposez quelqu'un dont la vue soit imparfaite, il ne découvrira qu'en partie la délicatesse du travail. Une autre personne qui aura une vue excellente y trouvera encore plus de perfection, et enfin celle dont la puissance visuelle sera le plus développée y apercevra plus de beauté. Il y a tant de merveilles à admirer dans ce tableau qu'il en reste toujours de nouvelles à découvrir. Ainsi en est-il, pouvons-nous dire, des âmes par rapport à Dieu dans cet admirable état d'illumination ou de transformation. L'union d'amour renferme de nombreux degrés, qui varient selon la capacité plus ou moins grande de l'âme, et la mesure des grâces accordées par le Seigneur à chacune. La même différence existe parmi les bienheureux dans le ciel. Les uns jouissent de Dieu plus parfaitement que les autres, cependant tout le voit, tous sont heureux et satisfaits, parce que leur capacité se mesure à la somme plus ou moins grande de leur mérite. Nous rencontrons parfois, durant le pèlerinage de cette vie, des âmes jouissantes d'une égale paix et d'une égale tranquillité dans leur état de perfection. Toutefois l'une pourra avoir atteint un degré d'union plus élevé que l'autre et chacune pourtant sera également satisfaite selon ses dispositions et la connaissance qu'elle a de Dieu. Mais l'âme dont la pureté ne répond pas aux lumières et aux miséricordieux desseins du Seigneur sur elle, ne parviendra jamais à jouir de la véritable paix et d'une entière satisfaction, car elle n'a pas fait dans ses puissances le travail de dépouillement et de vidre qui pour cette pure et simple union.